écris ces mots, je n'en peux plus. La tête sous l'eau, je suis perdu. Je crois bien faire ma révérence. La vie sans toi, je ne peux pas continuer, même d'un seul pas. Depuis la fin de ton existence. Ces instants qui savent nous dire que notre amour était immense. Mon souffle s'épuise, mon cœur se serre, mes bras se crispent, je manque d'air. Je veux atteindre la lumière de l'errance.